disque d'or. Nani alingati ya mbilinga mbilinga na libala na ngai. Na kuluka ba mando na ba ebisanga kombo na ye. Malgré ba mando na nyoso ba kuma ba mama prophétesse na beglize. Na kulanda bango na beglize. Monique Vandale, la grande ya moto. Noëlo de Lusolo, maire de 100 ans Suisse. Gilbert Okende qui chasse pour la fondation FMI. Il fallait sala un mois, vous salit le nom de moi. Sous la chambre. Il n'y a pas un panda, il te voit, il salit le col à deux ans. N'a qu'on l'a d'ailleurs. Koli a un gamo koye. N'a qu'on kate, chérie. Kola la un gamo koye. N'a qu'on kate, chérie. Kome la un gamo koye. N'a qu'on kate, chérie. N'a qu'on komi bourreau. Sala no ki yo son ma papa. N'a qu'on komi mon aime. Beta komi bourro, sala no ki yo son ma papa. Mami ire la ye pi sala na Gilbert na na na kona e. Gilbert no na la, sima na makasi. Soka tiki na sherie, yolo kili wana ma. Ete ma piala, kumwa bana matadi. Gilbert no na la, sima na makasi. Soka tiki na sherie, yolo kili wana ma. Koli ya nga moko e. Come va ma moko e. Come va ma moko e. Na kwe komi buro. Sala no ki yo soma papa. Na kwe komi monene. Sala no ki yo soma papa. Pepe komi tubie. Sala no ki yo soma papa. Mama Nicole Mbambu yone moto ya yo ke la kae. Lemba, Japon. Et Mama Rosa, MC Ta. Et Mama Bali Mayo, Alena Yofu. Alpha Ngungu, Mpuja Chatoutou. Et Mama Rosa, MC Ta. Et Mama Bali Mayo, Alena Yofu. Naka Ikoli Antabaya, propre bien saisonné. Na Sainte Geneviève de Bois, et pas à Mama Rosa. Jacques. Et banda kutu a samba linetie. Amona kaleki santu marie. Banda batsa ka poudre a yeleke. Banda kutu a tata tuwaze. Amona mi bala la kisi lokolwe. Ma se mbia. Bayaki yaki na feti, ba memi memi ba sache, ba nuka nuka di loko, ba mema mema na naku, ba mema kape kadote, ba yoka kape sonite, benvi, a benvi, soka matoma matoma na bamboe, yango wana bandiku, tuzaku lite contre bamporte, no take away, sa manje sur place. Ça t'écale sur place. Non, to go, Mr. Catholic.